cours numéro 15. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On est toujours fi fasl al-hub fillah wa al-bughd fillah. Cheikh Hamoud rahmatullah alayhi fi hadha al-fasl il a cité des preuves pour démontrer anna awthaq 'ura al-iman c'est al-hubb fillah wa al-bughd fillah, aimer pour Allah et détester pour Allah. Ça fait partie de l'iman, belle, ça fait partie des fondements les plus importants. Et quwwat al-mu'min fi dinihi, en général, c'est par rapport à hadha al-asl. Celui qui est qawi fi hadha al-bab yuhibbu fillah wa yubghidu fillah, ça montre annahu il a compris son din. Ça montre annahu il a compris sa croyance. Et en général, tu trouves ha'oula annahum ils sont à l'istiqama. Et en général, yuhibbun al-ilm. C'est pour ça que tu trouves as'ad al-nas et afdal al-nas fi hadha al-bab, c'est ahl al-sunnah. Yuhibbun fillah wa yubghidun fillah. Amma ahl al-ahwa imma ifrat imma tafrit. Tu trouves les khawarij yubghiduna ikhwanahum al-muslimin wa yukaffirunahum. Ils exagèrent et yubghiduna ikhwanahum al-muslimin hukaman wa mahkumin. Et tu trouves d'autres annahum wa rubbama izam al-mu'minin, leurs frères croyants, et كذلك ils ont pas de limite, et ba'dhum ils appellent hatta aimer al-kuffar. Amma ahl as-sunnah ils sont wasat, chacun son haq, yuhibbuna al-mu'minin wa yubghiduna al-kafirin. ثم المؤمن s'il est à l'istiqama, il est à la khair, il est à agri, fa yuhibbuna, par rapport à son ilm, par rapport à ses œuvres. Et si c'est un fasiq ou un munharif ou un mubtadi', même s'il l'aime parce que c'est un mu'min, ils le détesteront كذلك par rapport à son égarement. لأن في قلب المؤمن قد يجتمع حب وبغض. Par rapport à une personne, tu peux l'aimer min jiha annahu c'est un muslim, il a agri, tu peux le détester min jihatin ukhra par rapport à son égarement. فالحق il est مع اهل السنه في هذا الباب ولله الحمد وفي غيره. قال الشيخ حمود رحمه الله وسمعت بعضهم يصرح على رؤوس الاشهاد بانكار الحب في الله والبغض في الله, وسمعتهم ايضا يحثون الناس في خطبهم وقصصهم على حسن السلوك مع الناس كلهم. Après avoir montré l'importance de ce fondement, rahmatullah alayh, tadhkuruna à la fin du dernier dars, qala, on répète son kalam, hatta inna kathiran min al-muntasibina ila al-ilm qad saru yudandilun hawla inkar hadhihi al-a'mal al-fadila al-mahbuba ila Allah. Ay al-hubb billah wa al-bughd billah. On vit à une époque, kalam al-sheikh Hamoud rahmatullah alayh, kama taqaddam ma'ana, il y a quelques années là, il y a une cinquantaine d'années, aqal ou akthar. Et déjà, il avait remarqué anna ba'd bal qal kathiran min al-muntasibin ila al-ilm. Ils se prétendent des imams, des du'at, des prêcheurs. Et ayyadan billah, au lieu d'appliquer ce point, ce fondement essentiel, shughluhum ash-shaghil yantaqidun ala ahl as-sunnah ala as-salafiyyin. Pourquoi ils disent que les kuffars c'est kada? Pourquoi ils disent qu'un tel c'est un mubtadi'? Pourquoi ils disent qu'il ne faut pas parler à un tel? Là, celui qui ne sait pas, il demande la preuve, il demande le haq. Amma l'intiqad sans chercher le haq, ça c'est pas min al-insaf, c'est pas juste. Kam min al-nas, rubbama ahyanan tarud ala munharif, ala mubtil. Tu répliques, tu écris ou tu enregistres, mohim, tu montres la situation d'un égaré. Wallahi ahyanan hatta des redoutes sur le kuffar. Tu trouves min al-muslimin, ils sont pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, ça arrive, lakin at-tariqa, ils te demandent pas le haq. Et pourquoi? Si t'arrives à le convaincre, alhamdulillah, là, il veut pas savoir ton avis, il te dit là, c'est pas comme ça. Pourquoi tu critiques les autres et là, akhir? Et le mushkila, on est arrivé à un niveau, à notre époque, c'est hatta fil kuffar. Wallahi, demain, si tu fais un rad sur eux, on dit pas un yahoudi, on dit pas un juif. Là, on dit sur les yahoudis, il y a la religion. Tu trouveras min al-muslimin, ils seront pas d'accord. Iyadan billah. Alors que tu critiques pas une personne, là, tu critiques une religion batila.

le bon comportement. Khutab ha'oula et les dros de ha'oula, c'est il faut être généreux, il faut être bon avec le voisin, il faut être souriant, il faut avoir un bon comportement, ça s'arrête là. Ils ont pris une partie de notre dîn et ils l'utilisent pour leur profit à eux. Et pour écouter ce dars, al-khutba walillahi al-hamd, c'est pas encore payant. Et la tadri, et c'est pas ba'id, qu'un jour, Allah, certains de leurs masajid, rubbama, pour faire le jama'a ou le jumu'a, ils font une cotisation. Lakin dars ha'oula, pour entendre هذه الخرافات et ça écarte du dîn, iyadam billah, c'est payant. Wahad al-munharif, ils ont propagé. اسمه أيمن أيمن تيار سان منحرف نعوذ بالله إذا جاهل et il dit des paroles très très graves زندقة واضحة qui sort de sa bouche et ils ont propagé الآن أنه il va faire un séminaire avec deux trois kalimas un peu le matin un peu l'après-midi 180 euros les deux jours samedi dimanche نعوذ بالله ça c'est quoi أولا son كلام il est باطل et il va appeler à هذا. Il faut être généreux, il faut être patient avec le voisin, il faut ne pas critiquer les koufars. Lui, il a un kalam wadih, lui. Lui, c'est un kalam très très grave. La'alla, si on a le temps, bi'innillahi azza wa jal, on montre hal hadha al-mujrim, al-jahil. Lakin, c'est quoi l'objectif? C'est le mal. S'il est sincère et il veut le bien pour la umma, awulan apprend. Et pourquoi tu fais payant? Qu'est-ce que tu vas faire en deux jours 180 euros par personne? 180 euros par personne. 180 euros, là, tu vis tout le mois. 180 euros par personne, Allah alam kam. 10 personnes, 20, 50, 100. Amwal. Thumma. Après cela, les vacances, il a arrêté. Thumma. Dès qu'ils ont besoin d'argent, tout ça, bismuddin. Qala Cheikh Hamoud, rahmatullah alayh, fi khutabihim wa qasasihim ala husni suluk ma'an nas kullihim. Andhuru wa ta'ammalu. قوله كلهم jamais tu entendras هؤلاء المنحرفون رشيد الجاي بوسنا هذا الجاهل comme vient de citer إسماعيل منير نسيت اسمائهم نادر أبو أنس هؤلاء دعاة الضلال والتميع والإنحراف jamais tu les entendras citer هذا الباب العظيم الولاء والبراء أبدا. Ça va toucher à leur poche et à leur ventre. Et ils sont fibillés de le coffre. Et nous, on ne dit pas que l'insan, il dit des choses et l'Obama, il ne peut pas patienter, ça lui fait du mal. Al-Aqal, si tu ne peux pas, ne t'avance pas. Amma tu harib ikhwan et que tu propages le batil. Et tout cela, c'est payant. Tout ce qu'ils font, c'est payant. Ils gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux, avec leurs abonnés, ils gagnent de l'argent fit d'oros. Et haoula, la amal, la talab al-ilm, la. Ils sont que des choses très très simples et les sujets qu'ils traitent, c'est les sujets où tout le monde est d'accord. Ils vont mettre en garde contre certains péchés, az-zina, et le meurtre, l'injustice, le vol, la corruption. Tel kuffar, ils mettent en garde contre ça. Laylan wa naharan dans leur pays, pour préserver leur pays. Haoula, ils mettent en garde pour préserver leur poche. Amma al-mu'mini met en garde pour din. C'est pour ça qu'il met en garde contre la corruption, contre le vol, contre le mensonge, contre le meurtre, contre le shirk, contre le bid'a, contre les juifs, contre les chrétiens. C'est du din. Ils prennent une partie, ce qui les intéresse, et l'autre partie, ça peut leur nuire, surtout à leur poche. Comme ils écoutent ha'oula. C'est pour ça que al-nasiha lil ikhwan, c'est al-ijtihad fi bayan hal ha'oula. En fait, nous avons un ضعف كبير. هؤلاء إذن أنشط ربما يؤذهم الشيطان كساسو شياطين الجن والإنس les motifs ils les poussent et خاصةً ils sont motivés par l'argent 180 tous les deux jours بعض الناس ils donneraient des دروس nuit et jour ils dorment plus 180 euros ça les motive la chèque et tu trouves في المقابل الردود ضعيفة de deux sortes. Va'ifa et qalila. Et va'ifa, les gens, ils parlent et ils radent à ha'oula et leur kalam, il est va'if. Hatta ha'oula al-juhal, ils disent, regardez, le rad, il est mal fait. Et hum, ils s'en servent. Et nous, on parle de al-rudud al-ilmiya, lakin va'ifa, qalila. Et ha'oula, nashat. Bardo hum, c'est des vidéos tous les jours, des audios plusieurs fois par jour. les masajid, les séminaires, les al-umra, les voyages. Et tu trouves nahnu dha'f. Dha'f. Pourquoi? Parce que Allah alam. Est-ce que c'est niya? Est-ce que c'est madri? Tawfiq c'est min Allah. Azza wa jal. Nansah al-ikhwan bi al-ijtihad fi hada. Même si toi tu peux pas propager. La tadun an al-haq il a pas de athar. Wallahi, ahyanan tu fais une chose, une kalima ou un rad, rubama il est même pas beaucoup préparé, tu t'attendais même pas. Et umma min al-nas, ils en profitent. Anta, madalan, al-aqal, c'est, tu connais une hira ha'oula, enfin, tu cites leurs paroles bin nas, thumma tu cites un verset du Coran al-Karim, thumma tu cites un hadith du prophète Aïssa al-Salam, pour montrer qui contredit, thumma tu cites, madalan, la parole d'un savant, tout ça, birte ça, et tu le propages à l'écrit. Ou un dars, un de tes frères, il a fait, si toi tu n'as pas le qudra, un dars, enfin, tu le propages. Ils n'arrêtent pas des chaînes dans les réseaux sociaux. Nous, c'est vaïf, c'est qalil. Et on doit faire attention à ça. Les amna kullama, comme a dit Abadou al-A'im, minhum fimad kul kutayba, kullama, kawi al-haq, al-batil yad'uf. Ou kullama, al-za'uf al-haq, al-batil yantashir. C'est pour ça que ha'oula, parmi les choses qui détestent le plus, c'est un redoute. Wallahi, ça leur fait du mal. Jidden. Les annaoum, ils sont vaifs. Fait imanihim. Ils ne connaissent pas le aqida kathir minhum. Et ils sont attirés par dunya. Enfin, ils le critiquent, ça le touche. Et tu le vois, tu l'entends dans leurs audios. Ils essayent de répondre, ils essayent de faire croire que ça ne les touche pas, ça les touche. Si t'en parles, c'est que ça te touche. Valihada. Nous conseillons nos frères l'ijtihad. Il y a une autre mosiba l'an, anna kathir min ahl sunna shughilu bi anfusihim. Hada critique hada, il critique hada, des frères entre eux, une masala les divise pendant des heures dans les réseaux sociaux, qu'il wa qal, fulan il avait, et haoula ils propagent leur shor. Ça ne veut pas dire qu'on ne réplique pas aux égarés, même qui se disent de ahl sunna, même qui sont proches de la sunna. Un égarement, c'est un égarement. Ben, l'égarement de al-hizbiyin, al-munharifin, qui font apparaître la sunna, il peut être plus grave. Certaines pour Ahl Sunna eux-mêmes, Rubama Yartarun. Amma ha'oula, leur shar, il est khassa fil awam. Et l'awam, on ne doit pas les négliger. Les awam, ils sont beaucoup plus que quand on dit les awam, et ceux qui ne connaissent pas Sunna. Wa illa fa ba'd Ahl Sunna, c'est des awam. Ba'd Salafiyin, c'est des awam. Ami, c'est celui qui n'a pas étudié. Lakin, al-an, on dit beaucoup awam pour ceux qui ne connaissent pas Al-Manhaj, Al-Salafi, Al-Sunna. Ha'oula, ils sont kathir et ils aiment le din jiddan. Et on ne doit pas les oublier, nous. Ha'oula, ils ne connaissent pas toutes les khilafats qu'il y a l'an. Anna fulana, ça a meftoun. Ils ne connaissent pas hadhihi l'umour. Eux, ils aiment l'islam et on a une époque, ce n'est plus les livres. Beaucoup de librairies, elles ferment. On a une époque, kathir ou minannas, ils ne vont plus dans les masajid, sauf le jumu'a, où ils font salat et s'arrêtent là. On est à une époque, c'est les réseaux sociaux. Ha'oula, il se connecte et il écrit islam ou le sujet qu'il veut, le premier qui apparaît, il écoute. Thomas Houa, son mizan, il va peser les choses. Comment? Avec l'éloquence. Il a une belle voix, il récite bien, j'ai compris, ça s'arrête là, ils ne savent pas. Et comme Minha Oula, après avoir écouté des redoutes, a lu, ça les touche. Thomas, c'est une cause pour qu'ils reviennent. On ne doit pas les négliger. Voilà une traduction. Ou alors tu montres leur égarement. Ils appellent clairement à ne pas dire que les koufars min yahoud ou nasara c'est des koufars. Tu ne dois pas dire ça. Ils disent là, le tawhid c'est pas comme vous dites. Des choses qu'on a étudiées, que vous avez étudiées, on doit montrer. Mais l'insan, il pense qu'à lui, il s'occupe que de lui et il trouve du temps que pour lui. Al-Ikhwan, ils disent on n'a pas le temps. T'as du temps comme tout le monde. T'as du temps, 24 heures. Il n'y a pas que moi qui a 24 heures. Toi, tu as 24 heures, il a 24 heures. Tout le monde. Le temps, il faut aller le chercher. Amma, on n'a pas le temps. Si tu fais aucun effort pour trouver du temps, non, t'as pas le temps. Tes enfants, ils vont te prendre une partie. Phil Bay, ça va te prendre une autre partie. Tes choses personnelles, ça va te prendre une partie. Le travail, une partie. Non, c'est vrai, il n'y a plus de temps. Cherche-le. Cherche-le. Et si tu sais que l'amour, il est muhim, t'en trouveras du temps. Amma, le temps, ils en ont. Et ils l'utilisent pour propager Ash-Shar.

بعضهم سي لا ميكسيتي بعضهم عياذ بالله سي لارجون بعضهم سي بوكو دو شوز قال وصار الحاكم عليه الهوى contrairement au premier aql la première raison la première catégorie al hakim c'était quoi c'était le Coran ou la sunna huwa c'est le hawa c'est les passions al mujrim al jahil al zalim ayman qu'on a cité tout à l'heure il a fait un audio clairement en gros on en a marre des cette chose c'est halal cette chose c'est haram en gros les règles ça suffit les règles qui sont fondées sur les livres et Hua, il a trouvé la solution, c'est tu fais ce que ton cœur il te dit. El Hawa. Exactement, Hada. Tu fais ce que ton cœur il te dit. Ton cœur il te dit telle chose, t'es apaisé en toi-même, fais. Et il faut arrêter, ça c'est halal, ça c'est haram, Fulan il a dit, il a akhri. Ta'ana fi le Coran, ta'ana fi l'ugha al-arabiya, le Coran, la langue arabe, les savants, tout le monde y est passé. Limadha? Li'anna El Hawa. Si. Il accepte la vérité. Et il l'écoute. C'est drôle, c'est doit arrêter. C'est un ignorant. Il mélange tout. Ses voyages, les drôles payants, il doit arrêter. Il n'a pas le droit. Il profite sur ses frères musulmans. Et il a akhré. Normalement, il doit se lever le matin. Il travaille et le reste de la journée, il apprend son dîn. Il ne peut plus, hada. Le travail, ça demande un effort. Haoula, ils ont l'habitude à un certain niveau de vie. Et l'ilm, ça demande des efforts. Leur cœur, ils sont malades. Les hada, ils ont pris ce chemin. Nas'alullah Azza wa Jal an yafdahhum. Qala fa mahabbatuhu li hawaahu wa bughdhuhu li hawaahu. Le premier, c'est al-hubb wa al-bughd fillah. Hada, c'est li hawaahu. C'est tout ce qui est en accord avec ses passions. Enfin, il va aimer. Ce qui est en désaccord avec ses passions, il va détester. C'est pour ça que tulahid anna al-insan, l'être humain, il est obligé d'aimer et détester. La tartar qawl al-kadhabin, qui appelle à la fraternité, c'est un mensonge. Les démocrates, l'un qui appelle à la fraternité, ils aiment tout le monde. Ils font croire à ça, ils détestent les musulmans. Khassatan ahl sunnah salafiyin, ils les détestent. Haoula, les prêcheurs de l'égarement, ils aiment tout le monde. Ils détestent ceux qui les conseillent. Bihaq, ahl sunnah. Enfin, l'être humain, il est obligé d'aimer et détester. Akhil Karim fait tout pour que cet amour il soit fillah et cette haine, elle soit pour Allah, Azza wa Jal. Et tu détestes ce qu'Allah il déteste. Et alhamdulillah, tu seras reposé. Qala wa mualatuhu li hawa wa mu'adatuhu li hawa wa badluhu li hawa wa man'uhu li hawa fa hadha al-'aql yaqtadhi min arbabihi an yatamallaqu li sa'ir asnaf an-nas bi alsinatihim wa yuhsinu as-suluk ma'a as-salih wa at-talih. Vu que leur principe c'est ça, leur ventre et leur poche et la popularité, les passions, ils sont obligés an yatamallaqu. At-tamalluq c'est changer de visage, s'adapter à toutes les situations. C'est pour ça que Haoula, ils essayent d'être bien avec les vieux à la mosquée, avec les jeunes, avec les koufars, avec... Bardoum, Iyadam Billah, ils parlent bien de Hatta Bard al-Mujrimin, de la musique, des films. Ils essayent de, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, Hatta, leur place, elle dure, et leur profit, yestamir, ils soient permanents. Qala وهذا العقل هو الغالب على أكثر الناس في زماننا عامتهم وخاصتهم. هذا العقل, cette situation, الحقيقة les deux عقول, c'est deux situations, c'est deux cœurs. لأن العقل il est dans le cœur. الصحيح c'est que la raison elle est dans le cœur, même si elle a un lien bien sûr avec le dimar, avec le cerveau. لكن عند العلماء العقل il est في القلب. Donc الحقيقة هنا c'est comme s'il a décrit deux cœurs. Ce deuxième cœur c'est le plus propagé aujourd'hui. Et il n'y a aucun doute. Et le premier cœur, c'est des ghuraba. Ils sont comme des étrangers. Lakin, al-sabr. Et l'insan, il pense à l'akhira. Fal-aqibatu, lil-muttaqin. Qala, wa khasatihim wa ma aktharuhu fil-muntasibin ila l'ilm. Fala hawla wa la quwata illa billah, al-ali al-azim. Et il a fait une précision, wa ma akthara fil-muntasibin ila l'ilm. لماذا لان celui qui a du ilm ou qui prétend avoir du ilm ayadun billah s'il est touché par tamah par l'amour de l'argent c'est encore plus que les autres l'autre robama il va aller travailler il a de l'argent il a créé un mal muntasib ila al-ilm s'il a un manquement dans certaines choses il rentre dans le dunya enfin c'est l'extrême en général c'est pour ça que haoula tu trouves tamahin 180 € billah alayk pour deux jours C'est du dhulm. Simplement, on leur dit s'il y a besoin d'une entraide, Robama, ils doivent louer une salle, Robama, ça demande certains coûts. Il y a ta'awanoun, Ada, il donne 10, Ada, il donne 20, sans imposer. Si tu as pas 180 euros, tu ne rentres pas. Ou al-adib, si tu lis l'annonce, annahu, il a écrit, il faut 50 euros d'acompte. Yadam billah. Et si tu. Et si tu viens pas, les 50 euros c'est fini. Sinon, la yajouz, c'est haram, hada. Yadam billah, peut-être qu'il est malade, peut-être que sa femme a eu un problème, peut-être que son enfant lui-même, hada, c'est injustice. 50 euros c'est énorme. Oui, le mec, 50 euros d'acompte, celui qui ne vient pas, c'est pas remboursable. Kana, c'est une entreprise, madri, ils les ont placés où l'argent? L'argent est dans ses poches. Ondoro. Tijara, yadam billah, vulm. Eh, l'adjib, c'est que tu trouves بعض إخوان المسلمين غفلة في الحقيقة هؤلاء يزم بيان لو بيان سو كاسيست لأن سا مونتر كي زم لو بيان بور دوني 180 يورو بور إيكوتي هذا الظلوم الجهول سي فريمون il faut être motivé et هؤلاء les suiveurs ils suivent pas c'est pour ça que c'est هؤلاء que نحن doit essayer de montrer والله سبحانه وتعالى قال وما الله بغافل عما يعملون والله وما الله بغافل عما يعملون Allah subhanahu wa ta'ala il est pas rafil. Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim, c'est khabir, il sait tout, il voit tout. Et haoula qui joue l'un et profite de l'insouciance des musulmans, de leur générosité, de leur grand cœur, et ya'khudhuna amwalahum bighayri haqq, et ils propagent le batil. Même s'ils propagent le tawhid, le sunnah, ça serait madri man, 180 euros c'est énorme. Amma en propageant le batil, et comme il y a des gens qui s'enharifouna rubbama bi sababih, هذا سيد الظلم يا الله سبحانه وتعالى خبير حكيم نعم ذهب الوقت on voulait continuer لكن ce passage il était مهم نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسداد نكتفي بهذا et notre prochain درس بإذن الله عز وجل mardi à la même heure 16h30